Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous allons terminer l'émission avec un sujet médical. Certaines personnes sont atteintes de tremblements et c'est pas parce qu'elles ont consommé trop de café ni parce qu'elles sont atteintes de la maladie de Parkinson par exemple. Il s'agit d'un autre trouble qui porte le nom de tremblement essentiel. Et c'est l'un des sujets de recherche du docteur Frédéric Calon qui est professeur à la faculté de pharmacie à l'Université Laval. Bonjour monsieur Calon. Bonjour. Alors peut-être pour commencer par le début, qu'est-ce que c'est en fait ce tremblement essentiel? Ça se manifeste comment? En fait, c'est un tremblement qui se manifeste essentiellement par un tremblement soit des membres, qui peut être aussi ou des membres supérieurs, des mains, et qui peut être aussi au niveau du visage. On l'appelle essentiel, en fait, c'est un vieux terme qui veut dire qu'on connaît pas la cause, dans le fond. Donc, mm-hmm. C'est un tremblement qui se définit par lui-même. On sait pas pourquoi, dans le fond, les gens tremblent. Mais des fois, on appelle ça aussi le tremblement familial. Est-ce que c'est parce qu'il y a une composante génétique ou... Exactement, oui? Oui. Dans la plupart des cas, il y a une composante génétique, oui. D'accord. Et ça doit incommoder quand même un petit peu les gens, s'ils ont, je sais pas, peut-être une main qui tremble ou peut-être si c'est le visage. Est-ce que ça rend la parole tremblotante? Qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement. Il y a certains types de tremblements qui peuvent affecter la parole. Dans la majorité des cas, c'est plus au niveau des mains. Donc, ce que ça va rendre plus difficile, c'est l'écriture, par exemple. Mm-hmm. Ou simplement le fait de boire une tasse de café peut devenir extrêmement difficile là, chez certaines personnes. Ah oui, d'accord. Et est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont concernées par ce problème? C'est très fréquent. En fait, on parle d'une maladie qui est... près 8 fois plus fréquente là ou 8 à 10 fois plus fréquente que le Parkinson. Ouais. Donc on parle certainement de pas loin d'un million de personnes au Canada. Mm-hmm. Par contre, parmi ces gens-là, il y en a que le tremblement peut être quand même assez léger là et moins incommodant. Okay. Et souvent, il devient plus incommodant plus la vie avance là finalement avec le vieillissement. Ah, d'accord. Et est-ce que il y a des traitements pour essayer d'aider ces personnes-là? Oui, il existe des traitements, en fait, qui existent depuis très longtemps. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de développement dans les dernières années. Donc, on donne des médicaments comme les bêta-bloqueurs, le propranolol, qui est un médicament qui a été développé dans les années 60 et qui, lui, finalement, va agir plus au niveau des muscles et va, dans le fond, ralentir les tremblements de cette façon-là. Il y a d'autres médicaments qui, eux, vont plutôt agir sur des récepteurs au niveau du cerveau, comme la primidone, par exemple. Mm-hmm, d'accord. Et d'autres médicaments comme le topiramate ou le gabapentin. D'accord. Mais vous, donc, vous faites des recherches sur cette maladie et donc il y aurait l'hypothèse qu'il y aurait un lien entre cette maladie et des protéines qui portent un drôle de nom, lingot 1 et lingot 2. Donc, quelle est cette hypothèse? Oui, en fait, tout a commencé par une collaboration que nous avons établie avec les docteurs Rajput de l'Université de Saskatchewan et qui, eux, finalement, suivent leurs patients depuis longtemps et ont obtenu, obtiennent de leurs patients, ceux qui le veulent bien, là, les tissus cérébraux de leurs propres patients lorsqu'ils décèdent. Mm-hmm. Et là, à ce moment-là, nous, on a pu avoir accès à des cervelets de groupes de patients qui avaient soit souffert de tremblements essentiels, soit souffert de maladie de Parkinson, ou soit qu'il n'y avait aucune atteinte neurologique. Ouais. Donc, à ce moment-là, on a pu examiner directement dans le cervelet de ces gens-là, donc après la mort, et on a pu détecter une hausse là de cette protéine lingo, spécifiquement chez les gens qui avaient souffert de tremblements essentiels. Ah, donc c'est bien dit, c'est vrai, ça dit vraiment que c'est une maladie qui est distincte de la maladie de Parkinson. Exactement. Donc, c'est d'accord. Pour ça qu'on fait la comparaison avec des gens qui ont souffert du Parkinson. Oui, d'accord. Et est-ce que ça vous met sur la voie pour de nouveaux traitements, sur une piste pour élaborer de nouveaux traitements? Ça pourrait, en effet, parce que le lingo, c'est connu dans certaines autres études que le lingo est surexprimé lorsqu'il y a une blessure neurologique. Surexprimé, ça veut dire que le cerveau en fabrique trop, le corps en fabrique plus que la normale? C'est ça. Mm-hmm. Et on ne sait pas vraiment pourquoi, mais ça a été observé dans des cas justement de blessures neurologiques. Et il semble que quand on inhibe ce lingo-là, on facilite, je dirais, la cicatrisation neurologique, entre guillemets, là. Et donc, on pourrait penser que si on peut inhiber lingo, que peut-être on pourrait avoir des effets positifs dans le tremblement essentiel. Évidemment, c'est une hypothèse, là. Mm-hmm. Mais dans ce genre de maladie, des fois, quand il y a une accumulation d'une protéine et qu'on constate par rapport à une maladie, on se demande toujours quel est l'œuf et la poule. Est-ce que c'est la surabondance de lingot qui cause la maladie ou est-ce que la maladie cause la surabondance de lingot? Est-ce que là, vous êtes capable de le savoir? Malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Comme vous dites, ça, c'est une question essentielle de logique en science. Donc, est-ce que c'est la cause, est-ce que c'est une conséquence, ou même, est-ce que c'est pas seulement un épiphénomène, là? Et donc, ça, c'est des choses qu'il faut aller étudier un peu plus loin. Une des façons de le faire, c'est de travailler avec des modèles animaux, par exemple. On surexprime la protéine dans le cervelet d'une souris, par exemple, et on regarde est-ce que ça provoque des tremblements. Et donc, avec ces mêmes modèles animaux, est-ce que vous êtes capable de... Est-ce que vous avez déjà des molécules que vous pourriez utiliser pour essayer d'inhiber cette lingo 1 et de vérifier si ça marche dans le modèle animal? Il y a des compagnies pharmaceutiques qui travaillent à développer des inhibiteurs, mais à ma connaissance, c'est des inhibiteurs qui sont quand même assez volumineux. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir se rendre vraiment dans le cervelet, mais il y a actuellement des molécules en développement par certaines compagnies, oui. Donc, quelles sont vos pistes de travail pour aller plus loin dans cette maladie? En fait, notre approche est assez multiple. Actuellement, on travaille sur beaucoup de différentes pistes parce que puisqu'on a accès à ces cerveaux-là, dans le fond, on a lancé plusieurs hypothèses. On a travaillé aussi sur des récepteurs GABAergiques. Et là, on travaille aussi sur des protéines amyloïdes. Donc, on fait différentes choses. Mais dans le cas de Lingo, en fait, la suite serait éventuellement de pouvoir éventuellement travailler à des études cliniques. D'accord. Ben alors, on va vous souhaiter une bonne continuation dans vos recherches et peut-être qu'on aura l'occasion de s'en reparler. On espère bien. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Calon. C'est moi qui vous remercie. Donc, je rappelle que M. Calon est professeur à la faculté de pharmacie de l'Université Laval.